Bacardi, celui qu'on aime et qu'on déteste. C'est Bendy, Jackie et son ghetto guest star. Le bordel vient de Jugar, ouais j'aime ça. Prouver que je suis le best et que mon son boom dans les guest stars. Sur le son des gunshots, on danse la valse, place. L'équipe au falsa, remplie de versal, basta. C'est nous les masters, on aime que ça castagne. Au microphone, pas gangsta, ni wangsta. C'est juste un noyau dur, baisse ta garde, tu morfes, Marie, mes bestial. Check ça, y'a pas de rime caline. Le mouvement chabire, les balles traînent sa ligne. T'as pas idée, fais pas le caïd. Les vrais, je les ai vus, j'balis avec la gorge. Soline au soline à mes côtés, calbo localise les fiottes à faire baliser. Dead, dead, dead, dead, dead. Ce soir vous êtes tous dead, man. Dead, dead, dead, dead, dead. Hey, Ron, j'arrive avec mon commando. Eh ouais, j'me la raconte, y'a du monde derrière mon dos. C'est Bacardi, mec marron, calbo et lino. T'entends pas? Trop de pression d'un pas sono. Wally, wally, wally, gunshot. Tire pas sur nous, cause pas sur nous. Ici c'est trop dangereux. Méchant et mon crew, gunshot. J'aime quand ça clash, j'aime pas les lâches. J'aime le one-on-one au magic et du sang sur l'asphalte. Gunshot, c'est trop hardcore, ça pue la mort. C'est la guerre au microphone et c'est cool si tu t'en sors. Gunshot, tu fais boucherie, t'es pas petit. Viens pas dans la cour des grands, c'est par ici la sortie. Donne-leur la putain de zik et le public respecte. Basique, un beat, un mic et j'pète. Magique, prête l'oreille quand j'magique. Crache le zéo, enraye le son tragique. C'est le dur noyau, de quoi il s'agit. Porter le maillot et le tremper. Ramper ton truc au pauvre quand t'en reviens moi et mon torboyau. Sans ramper, on my boy, OP. Comme nos joyaux, on brille, voyou, on pille. Le bille, c'est putain de char contre caillou. Char des blocs, on brille tous barres. Fillette, trop barbare, comme planquer la coke dans la layette. Trip glock, fire, et sur la bonne fréquence. Mon hip hop fait swinguer la délinquance. Ce soir vous êtes tous dead, man. Dead, dead, dead, dead, dead. Me v'là avec ma clique en tête d'affiche. Seul joker à sœur si le rapis est en panique. Notre ticket est en sûr si on acquiesce. Noyau dur et unique, casse des marron, arsenic et beat Bacardi. Et tu le sais. Le beat est lourd et les MC d'attaque au mic on fracture. On a des lyrics au kilo et ton hip hop on capture. Rapture, quand le noyau frappe on blesse et carbure. Au flow qui groove au son de la batterie et d'une basse qui sature. Croyez quoi? Toujours plus nombreux, sache que si guérilla. Noyau dur c'est dangereux pour toi et ta familia. Méfie-toi. Méfie-toi. Tu crois qu'on la machine, oui. On sanctionne les têtes, tombe quand le bourreau assassine. Oui, c'est ça rap sec et tout le monde est là. Sans le vent de la vengeance, hey. MC fuit la sortie. Demande-la. Rendez les clés du mouvement et descendez de là. Au top, je mets mon putain de place. Oh, comme si demandez-la. Les deux traits, descendez-les. Les envieux, pendez-les. L'État essaie de nous fuck, mais le poison, la répandez-le. Sans délai, le hip-hop, on va remodeler. Et si ça jacte encore en traite chez les cons, et ben pendez-les. Le noyau dur. Ramène-leur. Oh, remanie-la. Zik est condamné, on m'a dit qu'elle emmène-la. Dans ton secteur ou dans ton chaudron. Sinon le truc, on va le paumer dans les baguilles et les bandanas. Dead, dead, dead, dead, dead. Ce soir vous êtes tous dead, man. Dead, dead, dead, dead, dead. Are you here pour les gangsters? Dead, dead, dead, dead, dead. Ce soir vous êtes tous dead, man. Dead, dead, dead, dead, dead. Mon hip-hop fait swinguer la délinquance.